Ben, je suis avec Hervé pour lancer la troisième édition du Metal Fest 09. Donc, Absolument. ben, merci de t'être déplacé Dans ce beau village. dans ce beau village d'Issus. Voilà. Et merci à la mairie de nous prêter le locaux. Ben, alors, on va faire un tout petit rappel. Le Metal Fest 09, cette année, c'est le 21 et Et 22 22 novembre novembre. à Saverdun. À Saverdun, toujours, Toujours, dans la salle de toujours. la Lore, toujours. Voilà. Donc ça, c'est qui est déjà pas mal. C'est la troisième année, quand même. Voilà. Ben, alors on va aussi le rappeler vite fait pour ceux qui te découvriraient. Donc tu es le président de l'association qui gère le Metal Fest 09, Absolument, ouais. Back in black. Back in Black pour le nom de l'asso. Voilà. Et donc, que dire de plus à part que oui, c'est toi qui gères un peu tes Un peu équipes tout. Un peu et tout. Comme tous les présidents voilà, d'associations. c'est Voilà. ça, tes équipes et donc forcément la programmation aussi. Absolument, Voilà. ouais. Bah, je te propose qu'on commence tout de suite bah, justement par parler un peu de la programmation. Belle Alors, programmation cette année. oui, belle Encore. programmation. Encore une fois, une belle affiche, Je suis quoi. tout à fait d'accord. Bah, Ouais. d'ailleurs, on l'a juste Ouais. derrière, voilà, avec. Les têtes d'affiche Perséphone et The Troop of Doom, The Troupe of Doom. qui sont deux groupes étrangers. Absolument, Voilà. absolument. Il y en a trois cette année, C'est ça. avec Drakkar qui sont les Belges, voilà, qui seront avec nous aussi. Donc, bon, je refais un listing rapide, comme ça on est au clair. Oui. Donc, le vendredi, tu es sur quatre groupes Oui. avec donc Chaotic Circus, qui est bah, de chez vous. Voilà, groupe ariégeois, belle découverte. Voilà, un peu par hasard. Et puis franchement, voilà, tout le monde a flashé sur eux et ben, on leur donne l'opportunité de se lancer voilà, sur une scène un peu plus grosse que ce qu'ils font d'habitude. Donc c'est cool, ouais, c'est une bonne chose pour eux. Ouais, c'est bien de lancer aussi, ça fait partie aussi de l'ADN de ce festoche, c'est lancer quand on peut des groupes comme ça, ouais, c'est Ouais, bien. Ouais. non, c'est important Ah d'avoir oui, aussi c'est super une empreinte important. locale, ouais, Parce que bien sûr. les gros c'est bien, mais il n'y a pas que des gros. Voilà. Non. Et ils ont le droit aussi d'avoir une scène et du matos, puisque bon, pour le coup, on a quand même une bonne sono, donc y a moyen de qu'ils fassent vraiment un bon show, quoi. La soirée, elle va s'enchaîner avec Ranken. Ouais. Donc, eux, c'est un groupe de thrash. Ouais. Ouais. Assez rigolo. Je pense qu'on va passer un bon moment avec eux parce qu'ils ont l'air assez festifs, les garçons. Donc, ouais, c'est ouais, groupe de trash. Et bien, voilà, toujours dans l'ADN du festival, quoi. Donc, on essaye de mixer un peu, on essaye de mixer un peu tout, quoi. Et surtout ce vendredi soir, là, il y a un beau mix quand même. C'est vrai qu'il y a un sacré mix Il y a parce un beau que mix. on enchaîne avec Théorie. Ouais. Alors Théorie, c'est un peu l'ovni de l'année. Ouais. Alors eux, ils se caractérisent comme cyber nu Cyber nu métal, métal, ouais. c'est un mélange Ouais. d'indus, voilà, de Alors, pour la petite d'électro, voilà. anecdote, j'avais prévu de les avoir l'année dernière. Et en fait, ils étaient en concurrence avec Killers, qui ont foulé la scène l'année dernière. Et en fait, juste ben, Killers a répondu avant eux. Donc, c'est assez drôle. Donc, cette année, je les avais déjà. Je les avais. C'était que partie remise, Voilà, finalement. c'était que partie remise, ouais. Ouais. C'est bien. Et on termine donc cette première soirée avec The Troop of Doom, Ouais, qui est un voilà. groupe de death brésilien. Absolument. Et bon, pour ceux qui n'ont pas l'info, Oui. on a. Le premier guitariste de Sepultura, voilà, qui est Petit groupe pas très connu. pas très connu, non. Voilà. Non, très peu, très très peu. Voilà. Donc Après la une bonne belle occasion. surprise aussi pour nous, puisqu'ils font une tournée européenne, ils ont 36 dates dans toute l'Europe. Et en fait, ils font deux dates en France, donc Saverdun et une autre date qui est Vieux-Boucau, voilà. Mais qui sera pas sur une scène aussi grosse que la nôtre à Vieux-Boucau, voilà. Oui, bah, c'est certain. Oui. Oui. Oui. Voilà. Donc une belle petite journée bien pour démarrer avec bah, Oui. justement pas mal Ouais. de styles différents comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous rappeler l'horaire de démarrage? Alors, ça n'arrête pas de changer. Ah. Merci les groupes. Mais bon, ça fait partie des choses. Normalement, on devrait ouvrir à partir de 18h30 OK. au public. Voilà, à savoir que les concerts devraient être démarrés vers 19h, 19h30. Voilà. OK. Voilà. Ouais, Ça, c'est bon, encore, ça c'est va encore en encore. train de se caler. Ouais, parce que bon, il y a pas mal de groupes qui viennent de loin. The Troop of Doom, ils arrivent de Turin déjà. Donc pour les balances, ça va être un peu compliqué dans l'après-midi. Mais bon, on va essayer de caler le plus simplement possible pour respecter ces horaires-là, quoi. Bien sûr. Le samedi, on va rattaquer certainement plus tôt. Un peu plus tôt. Vu qu'il y a 5 groupes. Une heure plus tôt. Okay. Voilà. 17h30 voilà. Ouverture. Mm-hmm. Et voilà, donc 17h30. Et puis pareil, on va rattaquer. Oui, là aussi. Hein. Ouais. On rattaque avec Ask Your Mom. Ask Your Mom. Your Mom. Ouais. Qui est donc un groupe de crossover trash. Ouais. Ouais. 48, c'est la Lozère. La Lozère. Ouais. Donc finalement, pas si loin. Pas si loin que ça. Ça commence à faire des bornes, mais ça va. Et puis même dans la physionomie du paysage, on est un peu avec l'Ariège. Oui. Il y a quelques similitudes. Ça se ressemble. Bon, ils ont plus de cailloux que nous, mais bon, ça c'est pareil. Quoi. C'est un mythe, il paraît, mais bon, on verra. On posera la question en direct. Quoi. Voilà. Donc, ils vont bien être bien énergiques pour démarrer. Ouais. On enchaîne avec les Perpignanais, ouais. Catalan, enfin, oui, Catalan. On va dire Catalan. Quoi. De Blind Wisdom. C'est compliqué ce soir pour moi. Les noms. Les soirs comme ça. Qui eux sont plutôt dans le power. Ouais. Heavy power. Ouais. Ouais. Encore un style différent, quoi. Mm-hmm. Bon, qu'on n'a pas encore trop eu sur les deux années précédentes. Je ne sais pas souvenir d'avoir eu un groupe aussi. Oui, c'est vrai que tu étais plus sur du Sinfo l'an dernier que du ouais, Power. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc voilà, on essaye de toujours pareil, la diversité, d'amener quelque chose un peu différent, quoi. Cool. En parlant de choses différentes, vous avez aussi Drakkar, ouais. Donc qui arrive de Belgique. Ouais. Du heavy. Du heavy, du traditionnel. Ah, du tradi, voilà. Ouais, bah, il en faut. Ah, bah, bien sûr. Faut pas oublier que. C'est les bases. Tout ça a commencé par là, quoi. Par le hard rock, quoi. C'est ça. Et ensuite, c'est Soojin, ouais. Qui va venir avec c'est du metalcore. C'est du metalcore, c'est des jeunes, voilà, mm-hmm. C'est un tout jeune groupe. Ouais. Ils ont une énergie débordante. On a découvert l'année dernière le batteur, mm-hmm. Puisque c'était le batteur de Darken. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà, ils m'ont fait leur propos et franchement, ouais, ils ont un son de fou, quoi. Mm-hmm. Ils ont un son de fou et. Je pense qu'il y a une belle carrière pour eux qui s'annonce. Je pense qu'ils ont moyen de faire quelque chose de beau. Ouais. Oui, sincèrement. Enfin, je les ai pas mal écoutés pour préparer l'interview qui est déjà en ligne. En plus, ils sont super sympas. C'est hyper cool. Ah. Je pense que, ça va être très dynamique sur scène. Ouais, de la même façon que l'an dernier, Blooming Discord a vraiment, avec le metalcore qui bouge bien, là, ouais. A bien fait sauter tout le monde. Je pense que Soojin va faire à peu près la même chose. À peu près la même chose, ouais, ouais. Une belle énergie, ouais. C'est ça. Et on termine par ce qui est le plus gros nom de cette prog cette année. donc Persephone, ouais. Avec leur Black Prog, c'est une superbe prise. C'est une superbe prise, ouais, ouais. Bon, beaucoup de, enfin voilà, comme je te disais, un aparté, voilà, des mois de négoces pour essayer de les avoir et bon, voilà. En plus, ils sont voisins, hein, en Doran, donc ils sont pas très très loin de chez nous. En une heure, ils sont chez vous, quoi. Ouais, mais bon, comme quoi, finalement, c'est les plus proches, c'est peut-être les plus difficiles à avoir, quoi. Oui. Mais non, on est super contents parce que, en plus, voilà, musicalement parlant, c'est juste énorme, quoi. Donc voilà, on est contents de les recevoir parce qu'ils sont proches et en même temps, faire plaisir à tout le monde, quoi. Oui, bien parce sûr. Que je pense qu'ils sont quand même plus ou moins connus aussi. Oui. Hein, oui, on peut le dire. Donc voilà, je pense que ça va vraiment. Et puis ça va bien clôturer ce festival, je pense. Voilà. Oui, non, ça va être super. J'en doute pas, Perséphone. Je pense qu'on va, tous en être très impressionnés. Ouais, ouais. Justement, vu que c'est toi qui t'occupes de la prog, je vais te poser. On en a déjà discuté en off plusieurs fois, mais c'est aussi l'occasion d'en parler face caméra. Comment tu fais ou comment vous faites avec ton équipe la sélection? Parce que je sais que vous avez énormément de demandes. Ouais, c'est comment ça se passe? C'est énorme. On écoute beaucoup de choses. On écoute beaucoup de choses. On essaye de on garde dans la tête qu'il faut quand même cette diversité. Donc voilà, on fait des groupes de musique qui se ressemblent pour pouvoir après sortir un nom. Bon, après il y a des noms qui viennent automatiquement. Voilà, Soojin, ça fait pas partie ils font partie du groupe que on a écouté une fois et puis on a dit non mais ça il faut. Voilà, ça, ouais. ça, voilà, ça, y y a des groupes, ça a été très rapide en fait. Voilà. Ouais. Chaotic Circus, c'est pareil. Bon, là, dans l'esprit de pouvoir les lancer sur le Festoche, voilà, ça, eux, ça a été très très très rapide aussi à décider quoi. Ouais. Après les autres, bon, Persephone, pareil, le nom était ouais. On en avait parlé déjà l'année dernière. On en parlait déjà l'année dernière. C'était déjà un peu dans les tuyaux. Et mais bon, voilà, ouais, c'est bon. Après The Troop of Doom, eh bien, voilà, c'est un peu le coup de bol, on va dire, ouais, entre guillemets. Ouais, c'est l'occasion, hein. Ouais. Mm. Tournée européenne, on a le booker qui nous contacte, et puis voilà. Bon, Oui, bah, des fois, il faut prendre les opportunités aussi. Voilà. Hein. Okay. Bah, on s'est dit pourquoi pas. Voilà, après, bon, alors ça, je veux le préciser aussi, comme on s'autoproduit. C'est-à-dire qu'on n'a aucune subvention, on se débrouille tout par nous-mêmes. Mmh. Donc on est super vigilant justement sur les cachets, tout ça, et on fait très très attention, forcément, parce que bon, c'est quand même un gros budget sur un festival de 2 jours, hein, c'est quand même un gros gros budget pour nous, quoi. Et donc on doit pas se rater, quoi. Ouais. Je me doute que tu les aimes tous, mais si tu avais un coup de cœur cette année. Waouh! Bah ouais, je suis pas là pour te simplifier la vie. Bah je vais peut-être te surprendre. Je crois que cette année ça va être Chaotic Circus, quoi, parce que belle découverte, vraiment vraiment. Et, ils sont voilà, c'est un tout petit groupe, mais ils ont une énergie et un son. Je pense que voilà, ouais, ça va être mon petit coup de cœur de l'année. Et puis de toute façon, bon, j'ai boosté pour les avoir ouais. auprès des autres parce que ça a été un peu compliqué. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un peu mon petit coup de cœur. Voilà, cette année. Okay. Bon, après, bien évidemment, The Troop of Doom, oui. c'est mon deuxième coup de cœur. Voilà. Ah, c'est efficace. Mais par rapport à tout mon vécu dans le milieu oui, bien sûr, depuis des années. C'est différent. Voilà, c'est différent. Ouais. C'est différent. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler combien vous êtes de bénévoles? Alors, bénévoles, l'asso, on est 5. Voilà. L'asso, on travaille, on est 5 personnes. Mmh. Et après, les bénévoles, là, on va tourner à une vingtaine de personnes, quoi. Entre la sécu, les repas, tout ce qui est à gérer, la sécurité salle, enfin, voilà. Donc, on est une vingtaine. Bon, ça me paraît pas... Vu la configuration de la salle, ça fait quand même du monde. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Bah, la salle, c'est 1000 personnes, c'est ça? Ouais, un peu moins. Là, on est sur. Vu que cette année, on a pas mal de stands. On a pas mal de stands, donc ils vont prendre pas mal de place. Mm-hmm. Du coup, on va être sur une jauge à 800, quoi. 800-850 personnes. Ce qui est déjà. Ce qui est déjà joli, oui. Oui, oui, ça fait déjà une belle salle, ouais. Ouais. Okay. Oui, oui. Okay. Est-ce que tu peux nous rappeler les prix pour cette année? Alors, tout en tête. J'ai juste près, voilà. Le 1 jour, le 2 jours, à peu près. Alors, grosso modo, le pass 2 jours, il est à 40 euros. Mm-hmm. Voilà. Il y a 40 euros. Après, je sais plus, j'ai plus trop en tête. Mais je peux le dire, si, je peux le savoir. J'ai pris mes petits papiers. C'est sur tes flyers. Ouais, c'est mes flyers en plus. Ouais, voilà. Donc voilà. Après, on est sur ça, c'est les préventes sur Hello Asso. Ouais. Voilà. Après, on a les billets sur place. Alors cette année, on a pris le parti de pas faire de soirée unique en prévente sur Hello Asso, mm-hmm. parce que on s'est rendu compte depuis 2 ans que en fait, on en vend quasiment pas. Ouais. Et quand c'est des entrées à la soirée, c'est plutôt les gens qui viennent en direct. Sur le moment. Ouais. Donc on s'est dit, bon ben voilà, pour simplifier un peu les choses, donc là on a que les passes 2 jours en pré-vente. Voilà. Okay. Après on est sur un billet à la soirée à 29 euros. Voilà. Ouais. Bah, de quoi aussi motiver à venir sur 2 jours, c'est tout. Oui. C'est normal. Ah mais carrément. Après c'est pas franchement vu la scène, 40 euros, c'est cadeau. Oui, bien sûr. Bien sûr. Combien vous espérez de personnes cette année? Bah, tu vas me dire le 802 par soir. Tu vas non, me dire, non, mais, non, non. Mais dans les faits, combien vous alors, attendez de personnes? Dans l'idéal, on aimerait bien augmenter un peu par rapport aux autres années, vu que bon, on est à peu près constant. On va dire 400 personnes, ça serait bien. Ouais, voilà. la moyenne. La moyenne, à peu près, ouais. Ce qui laisse pas mal de temps. Après, s'il y a plus, eh bien, plus on est de fous et plus on s'amuse. Ah, ça, c'est sûr. Il faut le savoir. Voilà. C'est sûr. Justement, tu dis que 400 personnes, déjà, ça serait joli. Il y a quand même une vraie difficulté à ramener du monde jusqu'à Ariège. c'est un défi constant quand même pour vos organisateurs. Oui, bien sûr. Après, on communique. Alors, je, les autres années, on a été un petit peu moins bons là-dessus. Je trouve que cette année, on est un peu plus présent sur la com internet, beaucoup plus. Mm-hmm. Et c'est pas fini puisqu'il reste encore un peu plus de 2 semaines. Oui. Donc, on va relancer un peu tout ça, quoi. Mais on fait de l'affichage, on pose quelques affiches. Bon, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on pouvait avant poser des affiches où maintenant on ne peut plus, quoi. Mm-hmm. Ce qui est un peu dommage parce que bon, c'est aussi quand on a ça, voilà. C'est une façon de diffuser l'information aussi. L'ours à Arijois, il attire quand même, tu vois. Il joue. Ouais, sympa quand même. Bon, il est un peu patibulaire, mais presque. Mais après, on essaye de plus en plus sur Internet, quoi. Voilà. Après, je vois que bon, le festival commence à faire parler. Puisque bon, cette année, vous serez 4 médias. C'est la première année où on a 4 médias, oui, dont un espagnol, sur place. Donc, ça veut dire que ça commence à parler pas mal de nous, quoi. Mmh. Ouais, c'est cool. Ce qui est tant mieux pour nous, quoi. Oui, oui. Parce qu'ils ils participent aussi à nous faire connaître, parce qu'ils diffusent quand même pas mal de choses, quoi. Mmh. Et puis, c'est mon ressenti, mais même si le public n'est pas forcément présent en nombre, à côté de ça, on a quand même chaque année une programmation avec des artistes, oui, pas toujours connus, mais qui se donnent toujours à fond sur, oui, scène et qui nous donnent des prestations de qualité. Donc forcément, ça donne envie aussi de revenir. L'accueil, c'est important, l'accueil. Et l'accueil. Donc on sait soigner. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise. On sait soigner les gens quand ils viennent, autant le public que les groupes. Et en fait, je te dirais, les groupes, ils nous le rendent bien, puisque oui, effectivement, on a quand même des prestats de fou. Hein. Mm. Je repense, on en parlait tout à l'heure, je repense à Kilos l'année dernière. Ouf, ouais. Quelle claque. Nihilisme aussi, ça a été juste énorme, quoi. On a eu de très très belles scènes l'année dernière, quoi. Vraiment. Oui, et puis la première année aussi. Et la première année aussi. Voilà. Complètement. Complètement. Est-ce que vous avez des nouveautés, des petites améliorations de prévues cette année ou pas vraiment? Alors, comment dire? Nouveautés. Bon, il y aura un peu plus de stands que les autres années. Voilà, parce que, effectivement, on commence à être connu. Donc, ça a attiré pas mal de choses, mm-hmm, pas mal de monde. On aura deux stands de fringues qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Ok. Deux stands de bijoux, alors que l'année dernière, on en avait, enfin les deux autres années, on n'en avait qu'un. Ouais. Voilà, donc cette année, j'ai pris le parti de faire des doubles, mm-hmm, mais qui ne se ressemblent pas trop non plus. Ouais. Voilà, pas pas concurrencer. Voilà. Alors que... On a toujours un tatoueur et une perceuse, okay, voilà, sur place, donc il y a moyen. Enfin, je sais que j'ai relayé déjà, je sais que le tatoueur va travailler. Bon, c'est bien. Parce que voilà, il y a des gens qui m'ont demandé son numéro pour pouvoir se faire piquer sur la soirée. Donc ça participe aussi à tout ça, quoi. En fait, ça participe vraiment, quoi. Mmh. Donc après le merch des groupes, il va pas être à la même place. Ça va être un peu la surprise. Hein. On va le mettre à côté de la scène cette année, ce qui va permettre, comme chaque année, si vous voulez faire des photos avec les groupes. Voilà. Ouais, ils sont tous hyper ouverts. Ils viennent jouer le jeu, ce qui est formidable, quoi. Il y a moyen de discuter avec eux, d'avoir des autographes, de passer un bon moment avec eux. Ouais, carrément. Mm. Oui, ça participe, quoi. Et du coup, votre aussi merch de l'année. Notre merch à nous. On en parlait, vous avez cette année les petites nouveautés. Voilà. Vos portes piques. Hein. Ouais. Voilà, pour l'apéro, sympa. Un peu gore, mais sympa. Ouais. Faut ce qu'il faut. Oui. Voilà. Bah c'est rigolo, ça permet. Et puis on va le montrer. Ouais. Celui de l'année. Voilà. Ouais. Bah avec le petit ours. avec le gentil petit ours. Voilà. Ah, très bien. Le t-shirt officiel de cette année. Bon, c'est la petite casquette, c'est pas très grave. On ramassera les pics après. La petite casquette, cette année, on a pensé que on a des bonnets, on a des casquettes. C'est quand même novembre. Hein. Ouais. Bah, vous étoffez petit à petit aussi votre proposition. J'ai vu que vous alliez proposer aussi des suites cette année. Non, non. Ah, je l'ai rêvé. Oui. Ah ben non, je l'ai rêvé. Toujours pas. Ok. J'ai pas trop de demandes. C'est bizarre d'ailleurs. Beaucoup de gens me disent, t'as des t-shirts et tout. Oui, et suites. Bon, non. Bon, okay. Mais écoute, le jour où on aura de la demande, on fera. Bon, okay. Je l'ai rêvé alors. Ouais. Non, cette année, pas de suite. Non, non. Okay. Mais bon, après, Après, voilà, il ne faut pas avoir non plus 10 000 choses. Hein. Oui, bien sûr. Le tout, c'est qu'il il reste encore quelques t-shirts de l'année dernière parce qu'on m'en a demandé. Donc, je le dis, pour ceux qui viendront, il y a encore des t-shirts de l'année dernière. Merci. Ah ben. Donc voilà, ouais. Non. Après, nouveauté, non, on a après au niveau des food trucks, 3 food trucks comme l'année dernière. Donc, ça sera un peu plus diversifié cette année puisqu'on aura un peu de crêperie bretonne. Ok. Voilà. On aura les fameux, alors ça, c'est lui, il nous suit tous les ans, les fameux burgers Certi. Oui, avec des goûts. Des goûts fabuleux. Originaux. Ouais, très originaux. Ouais. Et un nouveau, d'ailleurs, il va faire un spécial pour pour le fest, là, à base de canard. Je pense que ça va être énorme. J'ai déjà goûté. Ok. Ouais, j'y suis passé vite. J'ai hâte. Ouais, non, c'était très, très bon. Ouais. Et puis après, on a hot dog ariégeois cette année. D'accord. Donc voilà, à base de saucisses de Toulouse, enfin voilà, produites ici, en Ariège, et voilà, que des produits un peu locaux, quoi. On essaye quand même de. Bah, c'est aussi bien de mettre en valeur les artisans. On est assez attentif à ça aussi, à la qualité, parce que ça participe à l'accueil du public, pour moi. Hein. Oui, bien sûr. Bière artisanale aussi, comme chaque année, au bar. Ouais. Voilà. Ça aussi, on préfère avoir de la qualité et de la quantité. Voilà. Bien sûr. Mais. Bien sûr. Ok. Est-ce que tu peux, ou alors c'est peut-être un secret, mais pour donner une idée aux gens, de nous parler un peu du budget que vous avez pour une édition. Ouais, c'est pas un secret. Ça varie entre 18 et 20 000 euros, quoi. Ok. Voilà. Et dans ces 20 000, vous passez combien au niveau des groupes? Parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte aujourd'hui. Oh, ça, c'est tellement variable et ça dépend vraiment des groupes. Ça dépend. Mmh. Après, c'est beaucoup. Je te demande pas, les cachets. Non. Tu sais, une estimation. L'enveloppe, je l'ai pas en tête. Franchement, je l'ai pas en tête. Ouais. Mais c'est vraiment, vraiment variable. Ça dépend. Ouais. Puis bon, on négocie beaucoup puisque voilà, on est comme un s'autoproduit. On est assez dur là-dessus. Après, on se rattrape ailleurs. Oui, bien sûr. Ils ont des bons repas chauds, ils ont un gîte pour pouvoir se poser. Après, voilà, on soigne autrement. Là où on ne peut pas donner, on donne autrement, en fait. Voilà, pour le moment, tout le monde veut revenir. Hein. Okay. Oui. Puisque j'ai recroisé des anciens groupes récemment à côté de Lunel, sur un beau festoche. Voilà. Oui. Et du coup, j'ai recroisé Scarline, j'ai recroisé Blooming, j'ai recroisé Moldify. Ils veulent tous revenir, je comprends pas. Bah ouais. L'Ariège, il y en a qui veulent revenir. Il y en a qui ont du mal à arriver, mais il y en a qui veulent revenir. Donc voilà. C'est toujours pareil. Non, après on a quand même pas mal de. Alors on a vu sur les deux premières années, vu que la fréquentation était à peu près la même sur les deux éditions, quand même beaucoup de gens. Alors il y avait quelques nouveaux, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont revenus, quoi. Donc ce qui veut dire que ils étaient bien. Oui. Voilà. Ce qui est pas mal. Après, un petit détail qu'on peut donner aussi, c'est que bon, pour ceux qui vont, parce qu'il y en a qui risquent de dormir sur place, c'est-à-dire soit dans un van ou quelque chose comme ça, il y a possibilité de prendre une douche chaude le matin. Voilà. Donc, c'est juste qu'il faut le signaler par mail, à l'adresse mail de l'association. Okay. Et voilà, donc il y a moyen de prendre sa douche chaude. Ce qui est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, ouais. On a la chance d'avoir deux douches à disposition dans la salle, donc voilà, on peut les mettre, autant les mettre à dispo pour les groupes, mais aussi le matin pour les gens qui dorment. Les courageux campeurs. Les courageux dans les vannes. Ouais. Mais il y en a, hein. Y en a, chaque année. Bah, chapeau, parce que il fait quand même pas toujours très chaud dehors. Hey, on a eu deux éditions fraîches quand même, les deux dernières. Je te confirme. Très humides et fraîches. Mais bon, voilà, franchement... Donc voilà, on vous attend de plus en plus nombreux d'ailleurs. Bah écoute, j'espère voir beaucoup de monde. Histoire de faire une belle fiesta, quoi. C'est surtout ça. C'est surtout ça, quoi. Complètement. Merci Hervé. Ben, merci à toi, Nico. Et du coup, on se voit dans 15 jours au Vital Test. Déjà. Merci, bonne soirée. Merci.